Les contes marchands du Zanstibou Mulad. 5. Celle qui déloge. Lu par l'auteur. Qui aurait vu dans cette nuit noire-là, aurait vu sous les flocons deux silhouettes blanches qui ouvraient un chemin dans la neige vers un plateau si haut que jamais, de mémoire de planète plus haut, plateau ne fut habité par des hommes. Un plateau que ses habitants appelaient Zanstibou Mulad. Ces deux silhouettes se tenaient par la main. La jeune femme, qui était aveugle, allait devant. Les nuits les plus noires n'étaient pas plus noires que les nuits les plus noires pour la jeune aveugle. Des yeux avaient poussé sur sa peau, et elle allait sans crainte sur les sentiers les plus dangereux. Le jeune homme, lui, ne voyait pas dans la nuit, jusqu'à ce qu'il rencontre la jeune femme quelques jours plus tôt. Depuis, celle qui était devenue son aveugle phare lui avait appris à lire le chemin. Comment ? Qui aurait vu sous le manchon de fourrure unissant les deux mains aurait vu les doigts de la jeune femme danser sur la paume du jeune homme. Mais cette danse-là n'était pas une danse de joie. Non. Cette danse-là disait au jeune homme le chemin à venir, comme la danse de l'abeille dit à ses sœurs le chemin des fleurs. Au début, elle avait beaucoup parlé pour lui apprendre les codes. Il avait vite compris, elle s'était vite tue, ils allaient à présent silencieux. La neige craquait sous leurs pas. La peau de la jeune femme devinait les parois. La paume du jeune homme devinait les doigts. Elle sentait venir le jour et lui demanda de repérer un abri. Il commençait à discerner des formes. Il avait déjà emprunté le sentier et savait qu'une grotte qui lui était chère les attendait plus haut. Il ferma les yeux pour mieux s'abandonner, encore un peu, à la caresse cachée. Une heure plus tard, ils parvinrent à la grotte où celui qui continue, tel était le nom du jeune homme, avait rencontré celui qui avait changé sa vie. C'était pour lui, celui qui écoute, qu'il montait, avec la jeune aveugle, aux Zanstibou Mulad désormais interdits. Ils prirent un thé beurré avec de l'orge. « Il était allongé là, dit-il, une jambe brisée. Il sentait la mort. Des grands vautours attendaient devant l'entrée. J'ai remis les deux morceaux d'os en place. Enfin, j'ai essayé, c'était la première fois, je ne savais pas. Il n'a jamais remarché. Il avait quitté le Zanstibou Mulad très jeune parce qu'il ne supportait plus les vieilles fables qu'on lui enseignait. Il avait passé sa vie à marcher en quête d'histoires nouvelles. En avait appris des centaines. Vieillard, il avait voulu remonter aux Zanstibou Mulad, leur offrir ses comptes. Il devait, pour échapper au piquet des temps nouveaux qui gardaient la frontière, passer par un sommet trop haut pour lui. Il a glissé sur le sentier, il a chuté, s'est cassé la jambe, il m'a confié son sac de comptes avant de mourir. Voilà pourquoi je m'appelle celui qui continue. Il faut dire qu'avant, il aurait pu la journée durant évoquer sa rencontre. Sa compagne s'endormait. Il ouvrit son large manteau et se blottit contre elle afin, prétextait-il, de lui tenir chaud. Il rabattit la fourrure et la tint serrée contre lui. Il rêva au piquet des temps nouveaux qui avaient envahi le haut plateau, qui défilaient derrière les drapeaux trempés dans le sang des temps anciens, ces piquets qui barbeléifiaient le Zanstibou Mulad et en interdisaient l'entrée. Elle rêva de sa mère partie à la recherche de son père sur la peau de la terre. Son père, qui ne savait pas qu'il était père. Ils s'éveillèrent vers la fin de l'après-midi, prirent un thé beurré avec de l'orge. Elle chargea sur son dos le maigre sac à provisions, il prit le gros sac de compte et ils repartirent. Le vent de nuit qui avait chassé le vent de jour balayait la neige et arasait la montagne. Elle tentait de deviner les crevasses du glacier. Il écoutait les doigts sur sa paume. « Lui faire confiance », se répétait-il. Un pied glissait, « lui faire confiance ». Et mesurer ma chance. Tout avait été si vite. Il l'avait rencontrée quelques jours auparavant. Sa mère et elle voulaient monter aux Zanstibou Mulad dans l'espoir d'y retrouver celui qui demande, le père de l'aveugle fille, qui ne savait pas qu'il était père. Celui qui continue l'avait justement rencontré la veille. Il avait indiqué à la mère la direction qu'il avait prise. Elle était partie sur la trace de ce père qui ne se savait pas père. « Et toi ? Que veux-tu faire ?» avait demandé la fille à celui qui continue. Je dois porter ce sac de compte aux anstimobulades. Les piquets m'en interdisent l'entrée. Je vais passer par un sommet sur lequel ils ne poussent pas. « Ils te verront sur le plateau, » avait dit la fille, « sauf si tu marches de nuit. Tu ne sais pas marcher de nuit, mais moi, tu viens. » Il n'avait pas dit oui, il n'avait pas dit non. Elle avait fait danser ses doigts sur sa paume, il l'avait suivie. Il n'avait pas compris comment elle pouvait marcher avec autant d'aisance sur des corniches à peine esquissées au-dessus de précipices vertigineux. « C'est facile, tu sais. Il suffit d'être aveugle. Je ne vois pas le vide, donc je n'ai pas peur. Puisque je n'ai pas peur, j'écoute. J'écoute de toute ma peau et je deviens feuille. Mes pieds ne marchent pas, ils s'abreuvent. Ce n'est pas moi qui vais, c'est la terre. Je ne tomberai que morte, comme une feuille détachée de mon arbre. Voilà pourquoi je veux aller là-haut, au pays de mes parents. » Feuille au vent sur un chemin, j'ai besoin de trouver mes racines. Tu viens ? Il avait dit oui. J'ai de la chance. Lui faire confiance, se répétait-il. Chacun entendait cogner le cœur de l'autre dans sa main. Serait-ce moi, s'était-il demandé, qui le fait battre ainsi ? Puis ils avaient pensé qu'il n'y avait aucune raison pour ça, que c'était l'altitude. La violence du vent annonçait la frontière. Ils la franchirent au plus profond de la nuit sans yeux. Nul ne leur demanda les papiers qu'ils n'avaient jamais possédés puisqu'il n'existait pas de carte de citoyen du chemin. Là commençait le sempiternel anstimobulade livré aux piquets barbeléifiants des temps nouveaux. Là s'ajoutait au danger du terrain la menace des hommes aveuglés. Ils descendirent doucement dans la litanie berçante des conseils muets, de craintes en alarmes, de pas fragiles en pas timides, de glissades en dérapage, bossus, pliés sur la pointe des pieds, ils progressaient au diapason du bâillon posé sur le vieux pays. Ils s'arrêtèrent à l'aurore, tout près du hameau des parents de celui qui continue. Il n'était pas revenu depuis qu'il avait fui enfant, parce que les vieilles croyances qu'on lui inculquait le faisaient bâiller. Alors il vit dans les rayons rougeoyants, sortir de maisons si basses qu'elles s'excusaient d'avoir poussé, des ombres courbées demandant pardon à des piquets qui hurlaient une langue nouvelle, et il crut distinguer les traces de ses parents derrière deux de ces ombres. Elles s'effacèrent plus tard dans le mur d'une maison qui avait été la sienne. Il envia la cécité de sa compagne et verrouilla ses paupières sur l'innommable. Quand vint enfin la nuit suivante, ils descendirent sur les bouts des pointes de leurs ongles d'orteil. Il poussa la porte ouverte, entra dans la maison, flatta les bêtes, descendit au sous-sol. Ses parents dormaient sur la terre battue entre son frère et sa sœur. « Je suis votre fils, » murmura-t-il dans leur cauchemar. « Votre fils revenu. » Ils s'éveillèrent et crurent rêver. « Je suis votre fils revenu, » disait-il aux parents qui se frottaient les yeux. « Notre fils ?» répétaient les parents hébétés. « Leur fils ?» murmuraient la sœur et le frère. « Votre fils, votre frère revenu. »« Notre fils ?» répétaient les parents hébétés. « Notre frère ?» murmurait la sœur incrédule et le frère sceptique. Notre fils qui a fui enfant le pays béni des dieux et qui revient quand tout le monde veut fuir. Ils parlèrent peu, ils en avaient déjà perdu l'habitude. Ils parlèrent peu, allumèrent une bougie, regardèrent celui qui les éveillait et la mère dit oui. C'est lui, bien lui, dans mes bras, mon fils. Dans mes bras, dit le père. Tu es fou de revenir maintenant. « Pourquoi reviens-tu ? » « J'apporte un sac de compte, » dit le fils. « Un sac de compte ? » cria la famille. Et l'on ne sait qui ajouta. « Un sac de compte, quand nous avons besoin d'armes, de prières. Va lire tes comptes à ceux qui n'ont plus d'oreilles parce qu'ils ne savaient pas entendre le langage des temps nouveaux. Va les jouer à ceux qui n'ont plus Dieu parce qu'ils ne savaient pas voir les bienfaits des temps nouveaux. » Va les faire dire à ceux qui n'ont plus de langue parce qu'ils ne savaient pas louer les temps nouveaux. » Celui qui continue avait-il eu trop peur pendant plusieurs nuits? Trop faim, trop soif? Avait-il usé ses nerfs sur les flancs de la montagne invisible? On ne sait. Toujours est-il qu'il s'emporta comme il n'était pas permis à un homme qui se voulait équanime de s'emporter. Dans sa colère, il osa dire que tout mot était un pas, que toute histoire était une marche, que tout mot qu'on disait prouvait qu'on marchait encore, que toute histoire qu'on racontait prouvait qu'on pouvait encore aller quelque part et que refuser d'entendre, c'était refuser de marcher, c'était rentrer chez soi comme une ombre ou devenir un piquet à enclos, c'était s'accrocher aux temps anciens ou nouveaux comme une mousse à sa paroi, c'était... Il aurait pu continuer longtemps car sa colère chassait son effroi, mais une voix douce s'éleva qui terrifia la famille. La voix d'une aveugle restée dans l'ombre, qui murmurait que nul n'avait le monopole de l'infortune, que seul le vol l'acceptait, seul l'indigne gémissait, que la plainte ne pouvait s'élever qu'après les tentatives et que l'homme avait la tentative infinie. Et ses propos se teintaient d'une telle compassion qu'elle désarmait toute guerre. Celui qui continue présenta son aveugle compagne et la famille crut encore rêver. Elle conta sa vie et la famille crut encore rêver. Il dit comme elle marchait dans les nuits et la famille crut encore rêver. Elle dit qu'ils allaient repartir et qu'elle pouvait emmener qui voulait fuir puisque la fuite était tentative et la famille crut encore rêver. Puis elle s'endormit et la famille constata qu'elle s'était bien réveillée. Le soir, la décision fut prise. Les parents trop usés qui frapperaient bientôt à la dernière porte n'avaient besoin que d'un peu de patience. Leurs enfants, eux, poussaient à l'ombre des piquets. Ils emportaient la marque et leurs yeux avaient la couleur de la ruine. Ils avaient appris à taire tout sens pour n'en être pas amputés, toute raison pour ne pas devenir fou, tout espoir pour ne pas devoir l'étrangler. Celle qui voyait dans le noir voulut leur expliquer quelques signes simples. À la mort de leur main, elle comprit l'ampleur du désastre. Elle souffla aux parents. « Je reviens. Prévenez ceux qui veulent partir. » Celui qui continue reprit son sac en maugréant pour accompagner sa sœur et son frère jusqu'au royaume du bas. Il se promit de revenir. Quatre fantômes s'évanouirent sur les chemins des glaciers dans les hurlements des vents qui faisaient rouler des pierres. Déjà, les pieds de l'aveugle semblaient s'habituer aux sentiers qui grimpaient sur les montagnes d'alentour et en reconnaître les aspérités. Déjà, il se permettait d'en dévier pour tester de possibles variantes. D'autres, en revanche, glissaient derrière elle. Elle le remettait sur le sentier, il glissait à nouveau. Ils durent dormir à mi-chemin, à moitié cachés, dans des aspérités de rochers, tremblant d'être découverts. Quand ils parvinrent au sommet, à la fin de la deuxième nuit, elle dit à celui qui continue « Vous pouvez à présent marcher de jour, je retourne là-bas. »« Attends !» lui dit-il, « quand est-ce que... » Le vent balaya sa question. Elle entra dans la nuit suivante chez les parents de celui qui continue et leur annonça que leurs enfants avaient franchi la frontière. Deux voisins l'attendaient avec deux garçons qu'ils voulaient faire passer. « Vous n'avez pas de fille ? » demanda-t-elle. « Si, mais nous sommes vieux, » répondirent les voisins. « Qui s'occuperait de nous si les filles s'en vont ?»« Je repars ce soir, » dit-elle, « avec une fille et un garçon, ou seul. Choisissez. » Elle partit dans la nuit tombée avec une fille et un garçon. Elle répétait trois... quatre, cinq fois ses pressions de doigts. Et puis des pieds se soulevaient lourdement, glissaient, tombaient, se relevaient, glissaient encore. Elle avançait au ralenti comme en un mauvais rêve. Elle s'énervait, jurait, s'en voulait de jurer, jurait parce qu'elle s'en voulait, s'énervait encore. Quand elle parvint au sommet, elle dit « Voilà le sentier qui mène au royaume du bas. Vous ne venez pas ? D'autres m'attendent. Nous ne connaissons pas le sentier. Il suffit de descendre. » Vous nous amenez ici et vous nous laissez. » Le vent balaya leurs paroles. Elle entra dans la nuit suivante chez les parents de celui qui continue, affolée. Ils sont si nombreux à vouloir partir, dirent les parents. Ils se disputent. Nous ne savons comment faire. Tendez vos mains, répondit-elle. Ils tendirent leurs mains. Et la journée entière, elle fit danser ses doigts sur leurs paumes. Allez, maintenant, dit-elle. « Faites danser vos doigts sur les paumes de ceux qui veulent partir et revenez avec ceux qui auront compris. À partir de ce jour-là, le pays apprit en secret une langue nouvelle. Les jeunes Anstimoubeladiens allaient par deux sur le plateau, se tenant par la main, et celui qui menait l'autre et faisait danser ses doigts fermait les yeux. Aucun paragraphe n'abordant ce problème dans leur règlement, les piquets des temps nouveaux laissèrent aller, dubitatifs. Ils y virent une nouvelle preuve de la décadence des anciens temps. Pendant quelques années, ni les saisons, ni les tempêtes, ni les piquets, ni leurs chiens, ni leurs oiseaux de fer qui striaient les nuits d'éclairs qui ne s'éteignaient pas, n'arrêtèrent ses va-et-vient. Elle allait, faisait danser ses doigts, disait au sommet « Voilà le sentier qui mène au royaume du bas », puis elle redescendait. Elle pensait à sa mère qui courait derrière son père qui ne se savait pas père, sa mère répudiée qui avait dû quitter le Anstimoubulad parce qu'elle avait osé aimer un autre homme que ce mari qui l'avait acheté contre deux bêtes. Elle se demandait parfois si ce souvenir de mère répudiée n'excitait pas un désir effréné de vouloir vider le Anstimoubulad de ses habitants, puis on lui contait le départ d'autres Anstimoubuladiens enchaînés entre deux piquets, alors elle faisait taire ses doutes et demandait « Qui vient ?» Les candidats à l'évasion étaient toujours plus nombreux et impatients. On calcula qu'à ce rythme de passage, il lui faudrait une vingtaine d'années pour répondre à toutes les demandes. Elle désira alors rencontrer tous les aveugles du Anstimoubulad. Cette demande aurait été incongrue dans les temps anciens, mais l'aveuglement des piquets des temps nouveaux avait crevé tellement Dieu. Elle choisit 5 hommes et 5 femmes. Elle les emmena toutes les nuits, pendant tout un hiver, sur les sentiers de l'évasion. Elle expliquait du bout des doigts comment déceler les senteurs des gouffres, les échos des failles, les neiges d'avalanches, les sourires des crevasses, les surprises des virages. Il s'arrêtait devant chaque obstacle, le touchait, le décrivait à sa paume. Elle corrigeait, il recommençait. Tout alla très vite ensuite. Plusieurs fois par nuit, le sentier qui menait entre crevasses et précipices vers la liberté entendit le chemintement de 2 pieds confiants suivi de 4 pieds anxieux. Quelques années plus tard, tous les jeunes gens du Anstimoubulad avaient quitté le royaume du bas et leurs parents commençaient à descendre. Jusqu'au jour où des habitants des temps nouveaux arrivèrent sur le haut plateau et s'installèrent dans les maisons désertées. Les vieillards qui étaient restés s'assirent, hébétés, quand ils virent ce peuple du bas qui avait poussé au plus haut point la terrestritude, fouler l'herbe sacrée de leur pays si haut qu'ils chatouillaient les pieds des dieux. Effarés, ils les regardèrent tenter de mettre leurs champs en culture et leurs bêtes en pâture. Les nouveaux habitants se montrèrent si maladroits dans ces exercices qu'ils arrachèrent quelques sourires aux vieux Anstimoubuladiens. Celle qui voyait dans la nuit avait confié à ses aveugles les dernières évasions. Elle avait besoin de sillonner le plateau à présent, ce plateau dont elle ne connaissait qu'une bribe de sentier. Elle avait besoin d'en connaître l'âme en foulant sa peau, comme sa mère connaissait les humeurs des malades en prenant leur pouls. Elle savait que sa mission l'avait vidée d'elle-même dans les autres. Elle allait sous le vent comme un grand vide dans une peau dure, parce qu'elle avait marché vers trop de buts. Elle avait besoin des sensations des sentes, et les dimensions du plateau lui semblaient adéquates. Elle se comparait à un malade qui doit faire le tour de son lit avant de s'en aller à la découverte des couloirs. D'ailleurs, elle se prenait par la main pour s'emmener plus loin. Et quand les doigts de sa main gauche racontaient le chemin à la paume de sa main droite, elle imaginait que sa main droite était celle de celui qui continue. Elle souriait de son jeu et se demandait où il était parti avec sœur, frère et comte. Elle souriait et se disait qu'ils auraient pu marcher longtemps ensemble s'ils n'avaient pas eu l'idée de vouloir monter aux Anstimoubulad. Elle souriait et se figeait quand tout à coup, dans l'odeur d'un instant, elle avait l'impression de traverser un paysage dépeint par sa mère. Elle se figeait. Elle tentait de retrouver les mots exacts de la description ancienne pour se situer. Se sentir feuille au bout de la branche. Pores au vent, bras en croix pour offrir toute sa peau à la nuit. Elle devenait alors, au plus profond d'elle-même, Anstimoubuladienne. Jusqu'à ce que, dans une cave honteuse, un piquet qui avait foi en l'utopie nouvelle arrache un peu de chair ou d'os à un homme qui était son ennemi parce qu'il avait foi en d'anciennes croyances. L'écho du cri rouvrait les cicatrices à vif de celle qui entendait trop bien. Elle entrait dans les maisons chaque nuit, y prenait un peu d'orge, de beurre, de thé, toujours posés en évidence chez les vieux anstimobuladiens qui la savaient sur le plateau. Ils avaient l'impression qu'elle les protégeait. Et il faisait de cette convalescente qui réapprenait à marcher une déesse descendue des cieux. Une déesse qu'il comptait d'ailleurs bien solliciter. Tandis qu'elle poussait une porte, une nuit, pour y trouver pitance, elle sut qu'un homme l'attendait. « Que veux-tu » demanda-t-elle. « Ne te fâche pas. Je ne veux pas grand-chose. Et je veux tout. Entends mon souffle. Il sent la mort. Demain, je ne serai plus. S'il me trouve, il m'enterre. Tu le sais, l'esprit de l'enterré demeure dans les ténèbres. Je veux que le mien s'élève vers les dieux. Je veux aller là où tu sais. On ne peut plus y monter. De jour, le sentier est gardé. Emmène-moi, s'il te plaît. Permets-moi de mourir comme mes ancêtres, comme tous mes ancêtres. Viens. » Soupira-t-elle, maudissant sa propre faiblesse. Il ouvrit la porte, joyeux, et dit à sa femme, « Elle m'y conduit. » La marche fut difficile. Elle dut plus souvent le porter que l'accompagner. Ils parvinrent à le soir au petit matin. « Merci, » dit le mourant. « Je peux aller seul maintenant. » Elle le lâcha. Il s'assit, ferma les yeux et attendit l'arrivée des grands vautours qui, quand ils ont mangé le corps du mort, fertilise le plateau de sa matière et rapproche son esprit des dieux. Que n'avait-elle pas fait là? La femme du mort répandit la nouvelle et les candidats à l'ultime voyage pressèrent bientôt l'aveugle comme l'avaient pressé les candidats à la liberté. Les vieux anstimobuladiens décidaient qu'ils avaient assez respiré. Les messagers des temps nouveaux promettaient des lampes puissantes qui éclairaient sans flamme dans chaque maison convertie. Les ingrats préféraient s'en aller goûter aux lumières du monde de l'après. D'autant qu'une vieille légende contait qu'un homme accompagné dans sa dernière demeure par une aveugle voyait son âme renaître en une noble et sage personne. Elle refusa d'abord. Elle guérissait, certes, mais ne parvenait que trop rarement à ressentir ces instants où le cerveau sans pensée goûte par tout port qui bée les ineffables confidences des neiges qui se taisent, et fait de celui qui va, piéton descente, une pousse de roche, une part de vent, un brin de cosmos, une feuille. Elle refusa. Et puis, une nuit, elle entra dans une maison où se mourait une vieille femme. Et son mari lui disait à cette mourante qu'elle serait enterrée, que les grands vautours ne voudraient pas manger sa chair impure, qu'ils ne voudraient pas parce que, « Jeune, souviens-toi, lui disait-il, tu l'as souillé ta chair avec un autre que moi, ton mari, souviens-toi. » Alors lui revint trop saignant le souvenir de sa mère répudiée, sa mère obligée de fuir en un pèlerinage inhumain au royaume du bas pour expier sa faute, sa mère répudiée qui avait accouché sur le chemin d'une fille aveugle, qui avait usé sa vie à étudier la médecine pour soigner la cécité en vain. Cette cécité qui était preuve de sa faute, selon les vieilles croyances du anstimobulade. Les paroles du vieillard furent révélation. Elle sut qu'elle avait commencé un travail et qu'elle devait l'achever. Elle dit à la mourante, « Je t'emmène. J'emmène tout le monde. » Chaque nuit, elle accompagna jusqu'à la dernière porte un candidat pour l'au-delà. Elle les poussait, les portait, les tirait, les déposait et repartait. Elle songeait que tous avaient vu partir sa mère, que nul ne l'avait retenue, et elle vidait aussi consciemment que consciencieusement le anstimobulade. Il n'y resterait bientôt plus que les habitants des temps nouveaux, mais pour eux aussi, elle avait un projet. Tout avait commencé grâce aux grands vautours. Les grands vautours n'attendaient pas l'au-delà pour être heureux. Ils engraissaient en chantant et rotaient de bonne humeur. Facétieux, ils lâchaient parfois sur le plateau un os qu'ils avaient fini de ronger en vol ou renvoyaient dans un hoquet un morceau de tripe. Il n'en fallait pas plus pour affoler les nouveaux habitants dont le derme mince des basses contrées se fissurait sur le haut plateau. L'été, ils ne parvenaient ni à faire pousser les semences, ni à domestiquer les bêtes et ils attendaient anxieux les lampes sans flamme promises. L'hiver, bloqué 8 mois par la neige, ils regrettaient, grelottant, dans leur sous-sol noir de terre battue, les rectangles aux images animées qui font oublier. Il s'asphyxiait en voulant se chauffer avec des bouses mal séchées qu'il ne savait pas allumer. Il n'osait plus sortir dès que le soleil se couchait, à cause d'une rumeur qui les affolait, même s'ils s'en défendaient. Les croyances anciennes leur étaient interdites, mais leurs nouvelles conditions de vie les prédisposaient aux pires superstitions. Il était question d'une aveugle malfaisante au pouvoir surnaturel qui avait vidé le plateau de ces jeunes gens, le vidait de ces vieux et allait s'en prendre aux nouveaux. Ils entendaient des bruits qu'ils n'avaient jamais entendus. Leur imagination travaillait malgré eux. Elle leur fabriquait des jolis cauchemars qui devenaient réalité quand ils trouvaient un os humain fiché sur leur terre ou prenaient sur la tête un morceau de colon faisant des mal digérés. Dans leurs animaux malingres qui meuglaient, agressifs, ils commençaient à imaginer des âmes de zanstimobuladiens suppliciés. Le découragement faisait place à la peur. Les visages se dessinaient sur des cernes toujours plus vastes, profondes et noires, autour d'yeux toujours plus brillants d'angoisse. L'un d'eux, un jour, se perdit loin de chez lui. La nuit vint. Il passa vers un ossuaire, tandis que l'aveugle y arrivait avec un candidat pour l'au-delà. Il fut frôlé par une aile de vautour dérangée. Il voulut crier, aucun son ne sortit. Il entendit un rire, squelettique. Il voulut s'enfuir. Un pied lui fit un croc en jambe. Il tomba, une main sur ce qui lui semblait être une pierre. Il voulut la saisir, s'aperçut que c'était un crâne. Des doigts glacés se posèrent sur son visage, s'enfoncèrent dans ses yeux. Il s'évanouit. Quand il se réveilla, il fut sûr d'être aveugle, jusqu'à ce qu'il discerne des ossements humains autour de lui, puis sur lui. Puis un grand vautour qui arrachait des lambeaux de chair pourrie sur un vieux fémur. Puis un autre qui le reniflait avec avidité. Le lendemain, ses enfants le descendaient sur une civière vers l'hôpital le plus proche. Ils eurent le temps de raconter la cause de la fièvre paternelle. Ils ne remontèrent jamais. Ce fut le début d'un nouvel exode. Toutes sortes de maladies inconnues accompagnées de délires frappèrent les nouveaux habitants qui fuyaient. Les médecins regroupèrent les pathologies observées en une seule famille appelée « syndrome hallucinatoire des altitudes anciennes ». Ils déconseillèrent aux autorités de tenter de nouvelles implantations de population. Le plateau ne recélant aucune richesse qui justifiait d'y déplacer des travailleurs, il fut abandonné aux troupeaux qui redevinrent sauvages. Les piquets, n'ayant plus rien à garder, furent rangés par deux et redescendus. Elle était seule, désormais. Elle marchait encore là-haut dans les cris des bêtes qui lui fournissaient son lait et son beurre, les plantes qui lui fournissaient son thé, l'orge qui lui fournissait ses grains. Elle reprenait pas après pas son apprentissage et tentait de compter le nombre d'années qu'elle avait passées sur le haut plateau, sans parvenir à un chiffre très précis. Ce qu'elle savait en revanche, c'est qu'elle ne pouvait pas se contenter d'une destruction, qu'il lui fallait remplir autrement l'aveugle vie qu'on lui avait offerte. Mais comment ? Elle songeait alors à celui qui continue, se disait qu'il pouvait remonter maintenant. Elle songeait à sa mère, à son père, se disait qu'il pouvait remonter maintenant. Elle y songeait tant qu'elle se persuadait qu'il reviendrait, que le vent soufflerait son désir jusqu'à eux. Aussi, jamais ne lui venait l'idée de descendre. Elle faisait progressivement du plateau son pays, commençait même à en édicter des lois. L'article premier stipulait qu'il fallait marcher 10 ans au moins pour obtenir la citoyenneté zanstimobuladienne. Elle s'interrogea longuement sur la nécessité d'imposer un minimum de kilomètres à parcourir pendant cette période. Puis une autre pensée l'occupa, qu'elle tentait vainement de chasser. Les lois s'inventaient pour régir les hommes en nombre et chaque jour marquait une croix sur le calendrier de sa grande solitude. Jusqu'à ce soir-là. Ce soir-là où elle entendit, oh, surprise, le tâtonnement d'un bâton. La fréquence des chocs annonçait un inoffensif vieillard. Il en restait donc un, pensa-t-elle, fort surprise. Elle sortit de sa cachette, lui demanda qui il était, ce qu'il venait faire. « Je m'appelle celui qui demande, » dit le vieillard. et il expliqua comment, jeune homme, on l'avait envoyé demander la main de la princesse d'Avanvide, un pays censé se situer au bord de la terre pour le prince du Zanstimobulad. Comment il avait marché face au soleil levant, toujours, et fait le tour de cette terre que les Zanstimobuladiens croyaient plate, et comment il s'était retrouvé dans son pays 203 lunes entières plus tard sans avoir trouvé l'Avanvide. Et comment on l'avait envoyé illico demander la main du fils de la princesse d'Avanvide pour la fille du prince du Zanstimobulad. Et comment il avait marché, soleil levant à droite toujours, et constaté que la terre était ronde du dessus et du dessous aussi. Et comment il avait fait par-dessus, par-dessous, un deuxième tour de cette terre qu'il avait ramenée au pays sans qu'il ait trouvé l'Avanvide. Et comment il n'avait pu entrer à cause des piquets des temps nouveaux qui gardaient la frontière. Et comment il avait fait un troisième tour et constaté que la terre était ronde aussi en diagonale. Et comment il rentrait pour leur expliquer que leur vieille croyance était fausse, que l'Avanvide n'existait pas et qu'il était fatigué de marcher. Et comment il était passé par un de ces sommets si hauts qu'ils ignorent les frontières des hommes pour échapper aux piquets des temps nouveaux. Et comme il était étonné de trouver le plateau désert. Enfin, presque. Et toi, que fais-tu ici, avait-il conclu. Moi, je préparais un pays nuptial pour ma mère et toi. Ta mère et moi. Je dois partir à sa recherche. Tu viens avec moi, je t'expliquerai en chemin. Le las de la marche et celle qui voulait rester descendirent sur la rivière gelée entre deux falaises hautes comme 1000 hommes grimpés les uns sur les autres. Elle révéla entre ces falaises à celui qui demande des secrets qui le firent trembler de honte et de joie. Puis les falaises ne mesurèrent plus que 500 hommes grimpés les uns sur les autres, puis elles s'ouvrirent comme des bras accueillants vers le royaume du bas. Ils purent marcher à côté de la rivière. Alors, la fille reconnut un pas. Elle ne pouvait douter. Le pas s'arrêta, se précipita. La fille était dans les bras de sa mère et vice-versa. Alors la fille présenta sa mère à son père et son père à sa mère. Le père serra timidement la mère dans ses bras. Et vice-versa. Puis la mère expliqua comment elle avait fait le tour de la terre derrière celui qui demande, et comment toujours elle arrivait trop tard, mais toujours elle parvenait à savoir où il était parti. Heureuse, elle dit que, enfin, enfin, ils allaient pouvoir vivre ensemble tous les trois. La fille répondit, « Non, pas tout de suite. Je dois marcher encore un peu, mais... si vous désirez vous installer là-haut, j'ai fait le ménage. » Ses parents la regardèrent s'éloigner. Quand elle eut disparu, ils tournèrent la tête vers le Zanstimobulad. Leur fille marchait et souriait parce qu'elle pensait « Si ma mère a fini par retrouver mon père après un tour de terre, je finirai bien, moi qui vois même dans la nuit, par retrouver celui qui continue. » Après...